517, activation, oral, numbers. Say the numbers you see below. Check your answers on the recording. You hear A. You see A, elle a deux sœurs. You say, elle a deux sœurs. You will hear the correct answer after the pause. A. Elle a deux sœurs. B. Elle a 12 sœurs. C. Elle a 3 sœurs. D. Elle a 13 sœurs. E. Elle a 6 enfants. F. Elle a 6 frères. G. Ils sont 6. H. Ils sont 10. I. Ils sont 5. J. Ils sont 15. K. Elle a 18 ans. L. Elle a 7 ans. M. Elle a 27 ans. N. Elle a 21 ans. O. Elle a 23 ans. T. Elle a 5 ans. Q. Elle a 5 frères. R. Elle a 19 ans. F. Elle a 4 ans. T. Elle a 14 ans.